Chapitre 36. Le cœur. Ophélie ne distinguait que le reflet des lanternes rouges sur les boutons d'un uniforme. Était-ce bel et bien Thorne qui se tenait ainsi dans l'escalier, ou était-elle victime d'une illusion? Le baron Melchior dut se poser la même question, car il lui fallut plusieurs secondes avant de retrouver son sens de la répartie. Pour un couple si mal assorti, vous êtes décidément inséparable. Je vous croyais à des dizaines d'étages d'ici, monsieur Thorne. Comment nous avez-vous trouvés? Thorne monta les dernières marches qui le séparaient du palier, tranquillement, sans se presser. Depuis le parquet, Ophélie fut incapable de hausser les yeux jusqu'à son visage. En revanche, elle avait une vue imprenable sur ses chaussures. « Grâce à cette femme que vous clouez au sol, » répondit la voix grave de Thorne au-dessus d'elle, « elle a communiqué sa position à son assistant qui me l'a communiqué par télégramme prioritaire. J'ai dû fausser compagnie à une cohorte de fonctionnaires et de gendarmes pour vous rejoindre. Ne vous inquiétez pas, je suis venu seul. Je souhaite parlementer avec vous, sans témoin gênant. » Ophélie n'en croyait pas ses oreilles. Avec tous les gendarmes présents aux états familiaux, Thorne avait décidé de n'en ramener aucun. Elle se mordit la langue lorsque le baron Melchior tira sur son bras pour la forcer à se relever sans soucier de la douleur insupportable qu'il lui occasionnait. Il serra Ophélie contre le plumage de son ventre dans une parodie de valse. « Ainsi, ce sera plus confortable pour parlementer. Je vous écoute, monsieur Thorne. » Les cheveux d'Ophélie s'étaient déversés sur son visage, mais elle y voyait assez pour remarquer que Thorne évitait soigneusement de la regarder. « Pourquoi ?»« Pourquoi, me demandez-vous, pourquoi ?» répliqua le baron Melchior sur ses gardes. « Je bénéficie de votre appui depuis le début de ma carrière. Je ne serais probablement jamais devenu intendant si vous n'aviez pas glissé un bon mot dans la bonne oreille au bon moment. » Vous m'avez souvent aidé pour des procès et des affaires où vous n'aviez aucun intérêt personnel en jeu. Et jamais, à aucun moment, vous n'êtes venu me réclamer des comptes. Pourquoi ? Le baron Melchior s'adoucit, ses traits soudains empreints d'une bienveillance paternelle, ce qui ne l'empêcha pas de broyer le bras d'Ophélie. Parce que j'ai toujours pressenti les merveilles que vous étiez capable d'accomplir. Je crois en vous. « Mon garçon, plus qu'en n'importe quel mirage. »« Vous croyez en moi ?» répéta Thorne. Il maintenait entre eux une distance respectable. Sans bouger d'un talon, il observa autour de lui les paravents dont les illusions lui adressaient des œillades aguicheuses, puis les quatre portes encadrées par leurs statues masquées. Ophélie comprit qu'il essayait de déterminer s'il y avait des complices cachés dans la place. « Cette goupille de sablier que vous avez miraculeusement trouvée sur le lit d'Archibald, » reprit Thorne après un silence, « vous l'avez trouvée, car vous saviez qu'elle serait là. Vous avez saisi cette occasion pour me pousser à perquisitionner la manufacture. Et si ça n'avait pas été la goupille, vous auriez imaginé un autre stratagème. Vous comptiez évidemment sur moi. » pour mettre au jour la falsification des registres et, par voie de conséquence, l'implication de la manufacture dans les enlèvements. Chaque nuance de votre comportement m'a dicté ma conduite jusqu'à l'inculpation de Madame Hildegarde. Vous ne m'avez pas appuyé dans ma carrière parce que vous croyez en moi, » conclut-il d'un ton posé. « Vous l'avez fait pour pouvoir mieux me manipuler, le moment venu. » « Allons donc !» soupira le baron Melchior. « Êtes-vous en train de me dire que je vous ai déçu aussi, monsieur l'intendant ?»« Je ne suis plus intendant, et cette femme, » ajouta Thorne sans même un regard pour Ophélie, « n'est plus ma fiancée. Ses parents l'attendent pour la ramener sur Anima. Nos petites affaires de famille ne la concernent rien, désormais. Discutons entre nous, juste vous et moi, voulez-vous ?» Le baron s'accorda un temps de réflexion au cours duquel Ophélie eut tout le loisir d'entendre craquer davantage les os de son bras. « Avez-vous définitivement renoncé au mariage ?»« Et à la lecture du livre, oui. C'est bien ce que vous cherchiez à obtenir de moi, n'est-ce pas ? Vous n'avez plus rien à craindre de cet animiste. »« Ah, la bonne heure !» s'exclama joyeusement le baron Melchior. Il ne libéra pas Ophélie pour autant, resserrant son étreinte au point de l'étouffer dans son jabot de dentelle. « Vous possédez trois qualités essentielles, Monsieur Thorne. Vous êtes efficace, intègre et pacifique. La façon dont vous vous êtes impliqué dans l'affaire des déchus a été exemplaire. Ces guerres de clans, ces vengeances sempiternelles, tout ce sang versé pour trois fois rien, énuméra-t-il d'une voix vibrante d'indignation. Nous devons en venir à bout. Nous avons besoin d'hommes tels que vous, capables de résoudre les problèmes les plus épineux avec les rouages d'une administration civilisée. Je ne suis plus intendant, rappela Thorne. Et je resterai à jamais un bâtard. Le baron Melchior balaya l'air de sa canne avec une telle fougue qu'Ophélie entendit l'air siffler tout près d'elle. Un détail. Je vous offre, moi, une nouvelle vie, ou plutôt, devrais-je dire, une nouvelle responsabilité qui vous placera au-dessus du seigneur Farouk et à l'abri de son obsession maladive pour son livre. Vous bénéficierez d'une protection absolue et vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter ni pour vous ni pour votre tante. Me comprenez-vous bien, Monsieur Thorne? Je ne vous propose pas d'être mon pion. Je vous propose d'être mon partenaire. Thorne arqua lentement les sourcils et sa cicatrice parut s'agrandir davantage. « Ma mère bénéficiait également de cette responsabilité et de cette protection. Voyez où elle est aujourd'hui. J'aimerais savoir, enchaîna-t-il avec une extrême gravité, est-ce vous qui me faites cette offre ou est-ce le Dieu que vous servez ?» Le baron Melchior éclata de rire, toutes ses plumes de paon se trémoussant avec lui. Ophélie se mordit les lèvres pour ne pas crier. Chaque secousse lui donnait l'impression que son bras allait exploser en des milliers de morceaux. « Oh, Monsieur Thorne, si votre mère avait eu la moitié de votre clairvoyance, elle n'aurait pas fini déchue et mutilée !» s'enthousiasma le baron Melchior. « La rumeur est donc vraie, vous avez hérité de ses souvenirs. Cela fait de vous un initié tout désigné. Nous réussirons. Vous réussirez là où elle a échoué. Vous et moi, nous sauverons le pôle de toute cette corruption qui le gangrène, de même que nous sauverons le seigneur Farouk de ses mauvaises influences. » Ce disant, il tambourina l'épaule d'Ophélie du pommeau de sa canne. « À présent, Monsieur Thorne, je vous pose une question que peu d'élus ont le privilège d'entendre. Désirez-vous rencontrer Dieu ?» C'est mon vœu le plus cher. Ophélie dévisagea Thorne dans l'espoir de capter enfin son attention. Il avait répondu avec une telle spontanéité, son regard brillait d'un intérêt si vif qu'elle voyait bien qu'il était très sérieux. Je vous arrangerai une rencontre, promit le baron Melchior. Ça me permettra au moins de compenser celle que je n'ai pas pu arranger avec Madame Hildegarde. Dans l'immédiat, nous devons nous occuper de cette jeune demoiselle. Soupira-t-il en relevant le menton d'Ophélie de sa canne. « Le meurtre me répugne autant qu'à vous, mais je crains qu'elle en ait trop vu et trop entendu. » Thorne caressa sa lèvre inférieure de son index. Contrairement à Ophélie, dont les lunettes bleuissaient à vue d'œil, il ne s'affolait pas le moins du monde. « Je partage votre avis, mais je suggère plutôt de falsifier sa mémoire. Je suis en partie chroniqueur. Je peux faire en sorte qu'elle ait oublié tout ce qui s'est passé ici. » Ophélie savait que c'était faux. De son propre aveu, Thorne n'avait jamais versé dans ce genre de pratique, mais elle devait admettre qu'à cet instant, il était très convaincant. Le baron Melchior parut considérer la question avec soin, faisant tournoyer sa canne autour de son index. Il finit par replacer le bras d'Ophélie dans son angle naturel, mettant un terme au supplice, et poussa la galanterie jusqu'à lui faire un baise-main. « J'ai été, mademoiselle, honorée de faire votre connaissance. » Sur ces mots, il la laissa partir d'un geste théâtral comme un oiseau qu'on a sorti de sa cage et qu'on restitue au ciel. Loin d'éprouver du soulagement, Ophélie avait tous les nerfs à vif. D'un pas incertain, elle se dirigea vers Thorne qui l'attendait impassiblement devant l'escalier. Plus Ophélie mettait de distance entre elle et le baron Melchior, plus elle pressentait qu'il allait se raviser et la briser d'un coup de canne, comme le monocle de Gaël. Il n'en fit rien. Elle sentit que quelque chose ne tournait pas rond. Son bras la gênait terriblement, et ce n'était pas seulement à cause de la fracture. Une chaleur intense remontait vers l'épaule et la poitrine. Le baise-main du baron avait comme allumé sous sa peau un incendie. Le cœur d'Ophélie battait si fort et si vite que ça en devenait incommodant. À l'instant où Thorn remarqua la façon dont elle se contractait, il la saisit par les épaules. « Que lui avez-vous fait ?»« Vous avez peut-être le pouvoir de modifier ses souvenirs, vous n'avez pas celui de changer le fond même de sa nature, » répondit nonchalamment le baron Melchior. « Cet enfant est doté d'une curiosité et d'une obstination qui l'amèneront tôt ou tard à nous refaire des difficultés. N'y voyez pas d'offense, cher partenaire, mais je préfère mes méthodes. » Ophélie l'entendit à peine. La chaleur se transformait peu à peu en douleur, comme si une lame de couteau s'enfonçait lentement entre ses côtes. Elle glissa des mains de Thorn pour tomber à genoux. « C'est une illusion de ma fabrication, » expliqua le baron Melchior en s'approchant d'un pas aussi placide que son ton. « Je l'inocule directement à l'intérieur de l'organisme. Ça vous affole le cœur jusqu'à l'arrêt cardiaque. Une mort propre, sans violence, sans bavure, en bonne et due forme. Bien sûr, nous la maquillerons ensuite en accident, afin d'éviter tout problème. Le grand tribunal interfamilial ne plaisante pas avec ces choses-là. » Prostré sur le parquet, en proie à des sueurs froides, Ophélie enserra sa poitrine de ses bras pour en contenir les battements. « C'est une illusion, » se répéta-t-elle. « Ce n'est pas réel. Mon cœur se porte parfaitement bien. C'est une illusion, une illusion, une illusion, une illusion. » La douleur lui paraissait intolérablement réelle. « Alors, au sujet de mon offre, » dit le baron en tendant sa main à Thorn. « Marché conclu, cher partenaire. » Un jet de sang éclaboussa les lunettes d'Ophélie. Elle vit cinq doigts gantés tomber sur le parquet juste à côté d'elle dans une avalanche de bagues. Le baron Melchior contempla sa main mutilée d'un air incrédule. « Je... quoi ?»« Annulez votre illusion. » La voix de Thorn provenait des tréfonds de son ventre, pareil à un grondement animal. Il n'avait pas remué un doigt, mais malgré son chaos intérieur, Ophélie perçut l'électricité statique dont il s'était subitement chargé. Le baron Melchior écarquilla les yeux, de plus en plus éberlués. La vue de son propre sang coulant à flots sur sa redingote, son pantalon et ses souliers le fit pâlir. Alors seulement il poussa une exclamation horrifiée, comme s'il prenait enfin conscience de la douleur. « Vous avez utilisé vos griffes contre moi. Avez-vous perdu l'esprit ?» « J'allais exaucer votre vœu le plus... » Thorn l'empoigna par son jabot de dentelle avec une telle violence qu'il lui coupa la respiration. « J'ai renoncé à ce vœu à l'instant même où j'ai donné ma démission, » siffla-t-il entre ses dents. « Annulez votre illusion. » De blême, le baron Melchior devint écarlate. Il cingla la joue de Thorn d'un coup de canne rageur. « Vous n'avez jamais prévu de vous allier à moi. Jamais !» Vous m'avez abusé pour récupérer votre petite souillon. Une souillon quand, moi, je vous offrais Dieu. Je répands du sang partout. Regardez-moi ça, s'indigna-t-il en agitant sa main mutilée. C'est du dernier mauvais goût, monsieur Thorn. Vous me décevez profondément. Le baron Melchior s'apprêtait à abattre sa canne sur Thorn une seconde fois, mais elle tomba sur le parquet avec le reste de ses doigts. Les griffes de Thorn avaient encore frappé. Déséquilibré par la surprise et la douleur, le baron tituba en arrière jusqu'à la balustrade du palier. Cette dernière pencha dangereusement sous son poids, uniquement retenu par quelques boulons. Agenouillée au sol, Ophélie assistait à la scène à travers le désordre de ses cheveux et les éclaboussures de sang sur ses lunettes. Sa vue se troublait de plus en plus, son cœur, pris de folie furieuse, ne tiendrait plus longtemps. « Annulez votre illusion !» ordonna Thorn. Le baron Melchior fut secoué par un rire sceptique, ses deux mains dégoulinant de sang, à croire que tout ceci était une plaisanterie douteuse. « Allons, allons, vous n'envisagez pas de tuer le ministre des élégances et le délégué de Dieu. Ce serait un parfait manque de savoir mourir. » D'un coup de pied en pleine panse, Thorn le projeta contre la balustrade qui, cette fois, céda sous son poids. Ophélie ferma les yeux en entendant le bruit de la chute, mélange de résonance métallique et d'eau cassée. Dans les ténèbres de ses paupières, elle sentit un grand silence l'envahir. Son sang reflua comme une décrue de fleuve. L'incendie sous sa peau s'éteignit à petit feu. La douleur s'atténua jusqu'à se dissiper entièrement. Son rythme cardiaque décéléra pulsation après pulsation. Une illusion disparaît avec son créateur. Le cœur d'Ophélie vivrait, car celui du baron Melchior s'était arrêté. Quand elle rouvrit les yeux, Thorne se tenait agenouillé face à elle. Il repoussa ses cheveux, décrocha ses lunettes et soumit ses pupilles à un examen scrupuleux sans prononcer un seul mot. D'une gestuelle médicale un peu brusque, il fit pivoter son menton dans un sens puis dans l'autre pour vérifier que son regard restait bien accroché au sien. Ophélie espérait que Thorne ne s'apercevrait pas qu'elle était au bord des larmes. Même sans ses lunettes, elle voyait qu'il portait lui-même une vilaine plaie en travers de la joue, croisant le tracé de son ancienne cicatrice, là où la canne du baron Melchior l'avait frappé. Ses sourcils étaient tellement froncés, ses mâchoires tellement contractées, qu'Ophélie aurait préféré qu'il explosât pour de bon au lieu de contenir sa colère. Sa question fut laconique. « Votre cœur ?»« Il va bien, » balbutia-t-elle. « L'illusion est passée, je me sens... » Ophélie ne termina pas sa phrase. Thorne avait refermé ses bras sur elle avec une force qui lui coupa le souffle. Elle ouvrit grand les yeux sur cette obscurité qui produisait des battements précipités. Elle ne comprenait pas. Thorne aurait dû l'accabler de reproches, la secouer furieusement. Pourquoi la serrait-il contre lui? Quand je vous ai dit que vous aviez une prédisposition surnaturelle aux catastrophes, ce n'était pas une invitation à me donner raison. Ophélie ne put retenir ses sanglots plus longtemps. Les bras de Thorne se raidirent de surprise lorsqu'elle se cramponna à lui. Elle colla son visage contre son torse et hurla comme jamais de toute sa vie elle n'avait hurlé. C'était un cri qui lui venait du plus profond des entrailles et qui remontait le long de son corps comme une tornade. Thorne la laissa sangloter, hoqueter, renifler contre son uniforme jusqu'à ce qu'elle se fût entièrement vidée de son souffle. Ils demeurèrent un long moment silencieux sur le parquet de l'imaginoire, enveloppé par la lumière rouge des lanternes. « Je voulais vous aider, » finit par dire Ophélie d'une voix rauque. « J'ai tout gâché. » « Vous avez des regrets. Moi pas. » Dépouillé de sa froideur hivernale, son accent avait une sonorité très différente. « Vous vous êtes minot de famille à dos et vous venez de tuer un homme, » lui murmura-t-elle. « Tout ça à cause de moi. » Elle sentit les doigts de Thorne effleurer ses cheveux, sa nuque, ses omoplates avec indécision, comme s'il ignorait où et comment les poser. Il ne lui était pas souvent arrivé d'avoir à consoler quelqu'un. « Je n'aurais jamais dû vous impliquer dans mes affaires. Je savais que ce serait dangereux. Je me suis convaincu que j'avais la situation sous contrôle et cette erreur a bien failli vous coûter la vie. » Thorne observa un long silence qu'Ophélie supposa être une hésitation à la façon dont il retenait sa respiration. « Il y a une chose que j'ai plusieurs fois essayé de vous dire. Je ne suis pas très à l'aise avec ces formalités, alors finissons-en et n'en parlons plus. » Il se racla la gorge comme si les mots s'y étaient coincés, puis il finit par grommeler. « Je vous demande pardon. » Ophélie contempla l'obscurité chaude où elle se tenait blottie. À cette seconde, elle sut enfin avec une absolue certitude où se trouvait sa place. Ce n'était pas au pôle, ce n'était pas sur Anima, c'était à l'endroit précis où elle se tenait maintenant, aux côtés de Thorne. Elle trouva sa propre voix changée en demandant « Qui est Dieu ?» Thorne garda le silence, mais Ophélie sentit les muscles de ses bras se tendre. « La mémoire de votre mère, » répondit-elle pour lui. « En vous transmettant ses souvenirs, elle a fait de vous un témoin, n'est-ce pas? C'est sur ce passé que vous enquêtez confidentiellement. Vous avez découvert l'existence d'une personne plus puissante encore que les esprits de famille. Le livre de M. Farouk contiendrait une information à ce sujet. » « Ce que vous avez entendu cette nuit l'interrompit Thorne. Ne le répétez à personne et forcez-vous de l'oublier. Melchior n'était que le maillon d'une très, très longue chaîne. Je suis convaincu qu'il y a d'autres maillons sur chaque arche, dans chaque famille. Après un choc, Ophélie se remémora soudain l'étranger étrange dont lui avait parlé une fois la rapporteuse, un homme capable d'influencer les décisions des doyennes. Ainsi, son intuition avait été la bonne. Il existait bien un dénominateur commun entre les événements qui se passaient au pôle et ceux qui se passaient sur Anima. « Vous m'avez promis, » dit-elle, « vous m'avez promis de ne plus rien me dissimuler qui me concerne directement. Je suis plus que concernée à présent. Vous me devez la vérité. » « Je romps cette promesse, » décréta Thorne sans la moindre hésitation. « C'est beaucoup plus qu'une intrigue de cour, » insista-t-il d'une voix lourde. « C'est un engrenage où il suffit de mettre le doigt pour ne plus jamais connaître la paix, et je parle en connaissance de cause. Il est encore temps pour vous de faire machine arrière. » Ophélie n'en avait aucune envie. Elle revint cependant aux réalités immédiates quand elle entendit l'écharpe toujours ligotée à son paravent claquer le sol d'impatience. Avec un élancement douloureux dans le bras, Ophélie s'écarta de Thorne et remit ses lunettes en place. Elle avait la vue brouillée d'avoir trop pleuré, mais ses idées, elles, étaient parfaitement claires. « Nous ne pouvons pas rester ici. Il y a 3 cadavres dans cette imaginoire, 4, en comptant le baron. J'ai pu libérer Archibald à temps, mais il a subi les effets d'une bulle de confusion. Il ne faut pas compter sur lui pour témoigner. Nous devons fuir. » « Non, » répondit Thorne. « Non ? Vous avez une autre idée ?» À travers les taches de sang sur ses lunettes, Ophélie croisa le regard inflexible de Thorne. « Il n'y a plus de « nous ». Le mariage est annulé, vous rentrez chez vos parents et vous menez la vie que je n'aurais jamais dû interrompre. Je vais, quant à moi, me rendre à la justice du pôle et assumer les conséquences de mes actes. C'était de toute façon ce que je m'apprêtais à faire quand j'ai reçu le télégramme de votre assistant. En ce qui concerne cet individu, ajouta Thorne en regardant l'endroit où la balustrade avait cédé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce n'est pas la première fois que je tue quelqu'un en légitime défense, ça ne m'a jamais empêché de prendre mes responsabilités. C'est différent, et vous le savez, protesta Ophélie. Il s'agit d'un mirage, et pour tous ces gens, vous n'êtes qu'un... Thorne eut cette torsion de lèvres qu'il était si difficile d'interpréter. Un bâtard, oui. Je ne me fais aucune illusion. Je n'aurai pas droit à un procès impartial. Je me suis battu pour empêcher les nobles de se placer au-dessus des lois. Coupa-t-il Ophélie d'un ton catégorique alors qu'elle entr'ouvrait la bouche. Je ne fuirai pas la justice aujourd'hui. Il la saisit par les épaules de façon à plonger son regard tout au fond du sien. Respecterez-vous ma décision? Après un long silence buté, elle acquiesça. Je la respecterai.